Oui, mais j'ai les mains liées et la bouche muette. On me force à parier. Et je ne suis pas en liberté. On ne me relâche pas. Et je suis fait d'une telle sorte que je ne puis croire. Que voulez-vous donc que je fasse? Il est vrai. Mais apprenez au moins votre impuissance à croire, puisque la raison vous y porte, et que néanmoins, vous ne le pouvez. Travaillez donc, non pas à vous convaincre par l'augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de vos passions. Vous voulez aller à la foi, et vous n'en savez pas le chemin. Vous voulez vous guérir de l'infidélité, et vous en demandez le remède. Apprenez de ceux qui ont été liés comme vous, et qui parient maintenant tout leur bien. Ce sont ces gens qui savent ce chemin que vous voudriez suivre, et guéris d'un mal dont vous voulez guérir. Suivez la manière par où ils ont commencé. C'est en faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement, même cela vous fait croire et vous abêtira. Mais c'est ce que je crains. Et pourquoi? Qu'avez-vous à perdre? Mais, pour vous montrer que cela y mène, c'est que cela diminuera les passions, qui sont vos grands obstacles. Or, quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti? Vous serez fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, ami sincère, véritable. À la vérité, vous ne serez point dans les plaisirs d'un pesté, dans la gloire, dans les délices, mais n'en aurez-vous point d'autre? Je vous dis que vous y gagnerez en cette vie, et qu'à chaque pas que vous ferez dans ce chemin, vous verrez tant de certitudes du gain, et tant de néant de ce que vous avez parié pour une chose certaine, infinie, pour laquelle vous n'avez rien donné. 241. D'autant que j'aurais bien plus de peur de me tromper et de trouver que la religion chrétienne soit vraie, que non pas de me tromper en la croyant vraie.